C'était une réunion à la con, bâtimentée. Lundi matin, ils ont parlé productivité et fiscalité des contrats. Elle a de suite beaucoup aimé sa cravate et son agenda. Et quand tout a été fini, que tout le monde a quitté la table, il ne restait que deux assis, parlant dans leur téléphone portable. Ils se sont connus au boulot de cadres performants hystériques. Ça aurait pu relever le niveau, ça n'en est que plus pathétique. Ils s'aiment tous deux tendrement, mais en secret, évidemment. Ils évitent de se regarder quand ils se croisent à la machine à café. Ils n'arrivent jamais ensemble et repartent toujours séparément. Des fois que quelqu'un se doute de ce que tout le monde sait, évidemment, ils se sont connus au boulot. Pas le temps de créer un compte mythique, ni besoin de trouver un pseudo genre Working Girl 78. Sur son PC en fond d'écran, elle dit qu'elle trouve ça joli. Ils iront peut-être au printemps, enfin au printemps, ou à Pâques, rien n'est moins sûr de toute manière. Parce qu'elle vrille le bilan comptable, c'est pas le moment de faire le tour de la terre. Enfin, les vacances, ils s'en foutent, à part la Côte d'Azur, au mois d'août. Ça c'est un must, il faut pas rater. Ou parce que même le patron y est. Ils se sont connus au boulot de cadres performants hystériques. Ça aurait pu relever le niveau, ça n'en est que plus pathétique. Enfin, moi, ce que j'en dis, chaque pot a son couvercle et chacun voit midi à sa porte. Ils se sont trouvés, c'est l'essentiel, et chaque histoire d'amour est belle. Enfin, celle-là m'a fait marrer parce qu'ils sont dans le bureau à côté. Ils se sont connus au boulot de cadres performants hystériques. Ça aurait pu relever le niveau, ça n'en est que plus pathétique. Ils se sont connus.